je ne suis pas d'accord. Tu as tout à fait tort. Il n'a pas que tous les torts. Nous avons fait du tort. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme tort? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'elles sont en accord? D'accord. Je